vécu la découverte sur Skyrock aux côtés des psychiatres de la rime. C'est Alonso Papé. Planète Rap. Let's go. Planète Rap exceptionnel sur Skyrock avec Alonso. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Skyrock. Planète Rap. C'est maintenant sur Skyrock. Et toute la semaine avec Alonso, passez une bonne soirée. Bienvenue, comment ça va? En King, numéro 1 encore. Toujours numéro 1. Toujours numéro 1 avec cet album. Merci pour le soutien. Merci à tous ceux qui sont partis acheter ce disque. Il est dans les bacs sur iTunes. Et continuez. Continuez, merci. Continuez, il y a encore. On va péter le score. J'ai confiance en mon public. Le week-end qui approche aussi, hein, c'est le moment. Faire très beau en plus, je crois, ce week-end. C'est le moment d'aller dans le magasin, aller chercher l'album. Ou alors le prendre pour ceux qui ont envie de le prendre aussi en digital. C'est le moment ou jamais. C'est ça. Album d'Alonso, comment va ce soir en pleine forme? Très, très bien. En force. Il y a énormément de gens qui sont montés. Je vois ça. De Marseille. Voilà. Des collègues marseillais, comme on dit. Mon équipe, exactement. On va recevoir logiquement, s'il n'est pas pris dans les embouteillages, Gradure. Il vient du nord de la France, donc peut-être que. Voilà. Ou je sais pas, peut-être d'ailleurs en même temps. Ouais, je sais pas, il voyage beaucoup pour ses clips. Donc peut-être qu'il est parti clipper, on sait pas. Il y a monsieur Spike Miller, a.k.a. P. Diddy, le réalisateur du disque, qui est toujours à nos côtés. Ton véritable binôme d'ailleurs sur l'album, hein. C'est ça. Il était important sur la réalisation de cet album. Grave. Il a coordonné un petit peu le tout. Exactement. Le règlement de compte. C'est ça. Et il est là avec nous, ça va bien? Ça va bien et toi? En pleine forme. Cool. On est prêt pour attaquer une nouvelle soirée, mais juste avant, on va se remémorer ce qui s'est passé hier soir. C'était bien aussi. Il y avait le gagnant du concours RDC, ouais. Règlement de compte. Ouais, ça a freestylé. C'était très très bien. Il y avait une bonne ambiance. Et ben, on va réécouter ça rapidement dans le replay de mercredi soir. Ouais. Écoute, c'était hier soir en direct sur Skyrock. C'est quoi les sensations quand t'arrives là-bas justement aux Comores? Je sais pas, ça peut être les couleurs, les odeurs, ça peut être c'est un truc particulier ou pas? Mais déjà, il y a beaucoup de gens qui te ressemblent. Tu as plein de sosies. Donc je serais pas dépaysé. Voilà, tu as plein de sosies. Tu te dis, putain, waouh. Donc déjà ça, tu vois. Fais quelque chose, j'ai des appels des beaux-mètres, ils veulent que j'explose. Selon la dose, je te laisse pas le 22. Quand t'es dit de fumer le micro, je suis 22. Allons-y, vénère, plein d'envie. Nique ta mère, je suis pas un fouteux. Tu pigeonnes qui, toi tu pigeonnes quoi? Tu n'auras pas ton hlel, t'as un passé douteux. R1000 sur béquille latérale. On attire l'œil, on attire le dajjal. M-A-R-S-E-I-2-L-E. Tu me suis, je pars en tête que. C'était hier soir, en direct sur Skyrock. Déjà, on va accueillir les gagnants du concours freestyle. Voilà, on a balancé l'instru RDC sur internet. Il y a plusieurs groupes qui ont fait des remixes à leur sauce. Donc nous, on a trois gagnants. On a le groupe Pléiade de Marseille, on a Debza de Nancy et ALP du 94. Donc on va. C'est bizarre qu'il y ait un groupe marseillais. Hein. On est comme un ukrainien du putain de phase, amigo tout billé. Là, c'est de la concurrence, elle est nulle à chier. Pendant qu'elle kick deux jours en jour, kick deux jours en jour, moi je parle à l'oublier. Le bec trop faut qu'on amasse gros billets. Le bec trop faut qu'on amasse gros billets. C'est le TDB, hein, c'est le VST Gang, tu sais très bien que la zone est quadrillée. Hein. On ira traverser vents et marées, t'inquiète, j'ai la mentale. Eux, quand ils rappent, ils font marée, flow, texte lamentable. Fallait pas me chercher, le micro, je me l'accapare. Je dois aller faire taire, leur montrer de quoi je suis capable. Ils diront que j'ai baisé ma jeunesse, la rage bien avant que jeunesse. Kalachnikov au bout des lèvres, quand je tombe deux fois plus fort, je me relève. La rue demande du gros son, c'est mon place qui s'élève. Tant que je suis validé par ma thèse, rien à foutre d'être célèbre. Sky, rock, la lettre. Jusqu'à 21h sur Skyrock. Avec Alonso toute la semaine, entre 20 et 21 règlements de compte, c'est dans les bacs. On va continuer aussi à le découvrir pour ceux qui ne l'ont pas, vous n'allez pas être déçus. Hein. C'est ça. On va débuter avec un morceau, Alonso. Ouais, on va débuter par le deuxième extrait de cet album qui a été très bien accueilli d'ailleurs, qui même en concert a dépassé le succès de La Belle Vie. C'est Y'a Rien à Faire. Y'a Rien à Faire. Exactement. Allez, c'est parti avec une multitude pareille de remix hein, sur Y'a Rien à Faire. Je crois que c'est le morceau qui a le plus de remix. Allez, on le balance maintenant, la version originale, celle d'Alonso, qui est sur l'album Règlement de Compte, et c'est dans Planète Rap. Comme une arme, on s'en bat les couilles. On a l'habitude de déplacer des meubles avec les douilles. La musique de Tac Vador, on a pris 40 grégousses. Que des faibles parmi vous, la support est avec nous. Si t'es jaloux, y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Ok, ouais. Si tu fais serment, on te remplace. La serment, on la consomme sur blague. Machallah la solidarité. Tu rappes mal en plus, tu sais pas t'habiller. Mon frère, mais regarde-toi dans une glace. Tu rêves que ton mari soit comme ton daron. Mais est-ce que tu sais cuisiner comme ta daronne? Bois d'argent, tu oses, ça attire les chenets. Tu en boîte avec Gila, c'est tous les vénèques. Je suis dans le sud, Paris, Sakaya, Auxerre. T'as effrité ton shit sur mon ciel. Et tu te la pètes parce que ton mec est taillé comme une armoire. On s'en bat les couilles. On a l'habitude de déplacer des meubles avec les douilles. La musique de Takpador, on a pris 40 grégous. Que des faibles parmi vous. La support est avec nous. Si t'es jaloux, y'a rien à faire. Oh, y'a rien à faire. Oh, y'a rien à faire. Attrape le taureau par les cornes et la femme par les hanches. Mon vin vieillit aussi bien que ma revanche. On dit qu'avant je faisais du rap engagé. Laisse-moi faire ma grâce, ma tournée dimanche. Je regarde plus mes comptes, je me la raconte, j'ai pas honte. Ton mec c'est un meuble, on le monte, on le démonte. Paraît que t'es dans la boîte, on t'a pas vu. T'es comme un licence oreiller si t'as pas de cul. Les MPL les rebelles. Oh, les choix de vie de. Les chanteuses de R&B français sont toutes éclatées. Sinon je les pèserai tout de même si ton mec est taillé comme une armoire. On s'en bat les couilles. On a l'habitude de déplacer des meubles avec les douilles. La musique de Takpador, on a pris 40 grégous. Que des faibles parmi vous. La support est avec nous. Si t'es jaloux, y'a rien à faire. Oh, y'a rien à faire. Oh, y'a rien à faire. Oh, y'a rien à faire. Ok, ok, okay. Je sors de Footlooker, Piper. J'ai pas combien il me reste de points sur mon Piper. Tant que le buzz monte, super. Si t'as une tête de Schmitt, crois pas qu'on va te pisser. De la limite. Pourquoi je vais pas se manger aussi? Je paye ma Mercedes en billets. T'es pas que sur Insta, on que c'est dit. T'es trop débido, accroche-toi au rideau. Je crache partout, je refais la déco. Valérie Damido, y'a beaucoup plus de bouteilles dans mon seau. Que dans ton frigo, c'est sur la seforée, t'as avec tout. Ton mec est taillé comme une armoire, on s'en bat les couilles. On a l'habitude de déplacer des meubles avec les douilles. La musique de Takpador, on a pris 40 grégous. Que des faibles parmi vous. La seforée est avec nous, si t'es jaloux, y'a rien à faire. Oh, y'a rien à faire. C'est le capot des capis, mamie. Grand dédicace à tous ceux qui sont dans les studios de Skyrock. Grand dur. Vrai. Mon chégué vient de faire son entrée, mamie. En léger papa. Y a rien à faire à l'instant, c'est extrait de l'album d'Alonso, Règlement de compte, qui est numéro 1, qui est dans les bacs depuis lundi. Et en effet, tu le signales à l'instant, il arrive non pas du nord de la France, j'ai demandé juste avant. L'homme il vient d'un, Bob, il vient du sud. Bientôt. Il vient bientôt. Du. Il est dans. L'homme au Bob, bientôt. Voilà, l'homme au Bob, bientôt. C'est le 23 février. Voilà, c'est le 23. Malgré ce qu'on a pu entendre, ça avait été décalé, mais non. C'est non, c'est le 23, c'est le 23. Ça y est, 23 février, c'est arrêté, l'homme au Bob. Comment ça va? Ouais, ça va et toi, Fred? Écoute, en pleine forme, content de te recevoir. Ouais, je suis content d'être là en plus pour le frère Alonso. Aïe. Voilà, et c'est un lourd projet. Tu vois, moi je viens de rentrer de France aujourd'hui, là je vais l'acheter demain là direct. Vous avez fait un morceau qui s'appelle Brinks tous les deux. Brinks. Un gros morceau bien trap, bien sale. Et alors je lui demandais, il y aura le match retour aussi sur ton album, sur l'homme au Bob. Ouais, ouais, il a fait un sale couplet en plus. Ah, il est modeste, lui aussi, il a rappé dans les deux titres. Bien bon, content de vous recevoir, Gradure, c'est vrai que c'est un peu l'événement aussi Gradure du moment. Hein. Exactement. Toi, tu suivais aussi, t'as découvert sur internet, hein, donc ce que tu me disais comme en début de semaine. Je l'ai découvert avec ses freestyles, Chigué, 1, 2, 3, 4, 5. Comme tout le monde, j'ai été frappé, tu vois. Donc, je me suis démerdé son numéro de téléphone, je me suis dit, comment? Moi, je bosse pas avec lui, c'est pas normal. Donc voilà, on a donc communiqué. Tu l'as appelé? Je l'ai appelé, normal. Ouais. Et voilà, il a accepté. Il m'a invité aussi sur son projet. Ouais, ça m'a fait plaisir. Il n'y a pas de souci. Donc on a fait ça aller-retour propre. Voilà. Et bon, le morceau, on le passera, je sais pas, on peut peut-être le passer maintenant aussi. Ouais, c'est comme tu veux. S'il est chaud, tu le balances, on rentre dessus. Ou sinon, on le balance tout à l'heure, je sais pas. Bon, on peut le balancer. Ou comme tu veux. C'est comme tu veux. C'est toi, c'est ton plan. Tu veux le balancer maintenant? On va le balancer maintenant. C'est pour bien introduire l'arrivée de Gradure. Le morceau s'appelle Brinks, vous le retrouvez sur Règlement de compte. Et c'est une belle rencontre entre Alonso et Gradure maintenant. pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Comme tu sais pourquoi il pleut des douilles. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Comme tu sais pourquoi je chauffe ton bout. J'ai bourré cette cochon, je me suis barré. Comme le port salut. Le futur de ton rap français est devant toi. Il a fière allure. J'ai 23 piges, roule en gros gamos. Sur la route du 13 avec mon temps à Londres. Des roches trop hoches et ton côté gauche. Frappe dedans comme on va ton gala. Bah ouais, tu sais pourquoi on veut des sous. Alors fils de pute, augmente mon cachet. Ne me force pas, arrêtez le rap avant d'être ton fils la mort. Sachez, les putains de dans le putain de chargeur. J't'allume ta mère, t'allume ta soeur. Non, c'est du shit, il a pas payé. J'ai vu sa mère pleurer devant le pasteur. Bah ouais, t'es dead, sale fils de pute. T'as voulu rodka. Si tu me dois des sous, j'irai te chercher comme la frappe du rock. Ma Papé, j'ai gay, pour faire kiffer la street. 5-9, capital de la peu meilleure tarot. T'as pas aussi vite que les garants carottes. Demande pas pourquoi mes rebelles sont pas rares. Mais les tempêtes aux douaniers aux inspecteurs. Accélère le moteur de ton putain bimé. Nord, sud, est, ouest. Il pleut des douilles, plus qu'à bucarelle. Le nerf de la guerre, j'ai gay, c'est les sous. La fierté, ça couture, demande même à 6 sous. Fusil mitrailleur, pour venger ton honneur. Comme à Marseille, on t'allume si t'es d'ailleurs. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Comme tu sais pourquoi il pleut des douilles. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Comme tu sais pourquoi je chauffe ton bout. Vas-y les gros, fais péter le camion de bus. Ouais, fais péter le camion de bus. France qui a prendre. Dans ce pays de merde, on va pas se contenter du SMIC. Ouais, avancer. Dans un français, faut terrasser. 1 million, 2 millions, puisque Muselet, il a pas assez. Je tire cache dans la foule. Sa mère la pute, lui qui vient se mêler. Je fais la sieste avec la cagoule. Pour m'en sortir, je compte les violer. Quartier Nord, c'est plus chaud que l'Amérique. Autant de shit que le pays à gueule. Je compose plus de numéros des gros que de numéros de fouf. Marche sous crève de 80 autour du soleil sans ouvre. Tu dis à ma mère que je revenais. Donc je nique le barrage à la sulfateuse. On est ensemble, ça dépend pourquoi. Transaction, prise de pouvoir. La passeuse revient de Kinshasa, Charles de Gaulle, Bobo, Terminal A. Tu sais pourquoi on fait des sous. Tu sais pourquoi elles aiment les you. Malik l'argent distribue des bêches. Pour choquer, y'a bagarre dans la foule. Sur le terrain avant que le soleil se lève. Des rappeurs cheminent au fond la grève. On fait du sale quand tout est nickel. Taille S, on allume le triple XL. Oh. Je te demande si ça va en vrai. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Pour regarder sous, mais avant ça, viens encore un coup. Viens encore un coup. Hier, à dur. Allons, c'est de la friture. 2G, 0, 9, pur. 2G. Sur la scène, tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Comme tu sais pourquoi il pleut des douilles. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. A L O N Z dans le Vas-y les gros, fais péter le camion de but. Ouais, fais péter le camion de but. France qui a prendre dans ce pays de merde. On va pas se contenter du SMIC. Ouais, faut ramasser. La France faut terrasser. 1 million. Tu sais pourquoi on veut des sous. Bon dédicace au 5-9-1-3. Vrai chez Gué Papé Marley. Tu sais pourquoi on veut des sous. RDC dans les bacs. Vrai. L'homme au bois arrive bientôt aussi, mamé. Léger. Hey. 5-9-1-3. Marseille. Marseille. Le morceau s'appelle Brinks à l'instant. On retrouve évidemment Alonso sur l'album et Gradure qu'elle a avec nous ce soir. Ah, il a la patate ce morceau. En léger. En très léger. Il faut clipper ça, Chigué. Ouais, il faut clipper ça. Alors, où ça. Le Brinks, envie, vous le clippez où le Brinks? J'ai envie de le clipper ce soir, moi, mais bon, c'est difficile. Je te dis la vérité, mais voilà, il revient. Toi, t'es bien, ouais, le côté spontané comme ça. Faut prendre une caméra, on y va, en France. Moi, c'est comme ça. Ouais, toi aussi en même temps. Je vois les morceaux que tu balances parfois. Ouais, je vais au studio. Voilà. Avec ou sans texte, je rentre dans la cabine, je fais un couplet, je dis ça va, ça passe, j'appelle un caméraman le lendemain. Bim! Au quartier, on clip ça. Bim! 14h à 17h, il est en ligne. Il a raison. Mais il a raison. Là, il revient de l'étranger, donc on va le laisser se reposer. Voilà. Sinon, je lui ai dit, tu dors pas, hein, jusqu'à 4h du mat. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que tu dors pas beaucoup en ce moment. Non, je dors pas beaucoup. Parce que je vois à chaque fois. Alors, suivez aussi. Tu suis son Instagram, évidemment. Mais c'est un fou. Là, le dernier post Instagram, justement, je peux le lire. J'ai pas vu. Ah, c'est fabuleux. Tu vas le lire. Moi, je me tape des barres de rire. Il est pas tranquille. Donc, il y a une photo de quelqu'un qui est en embonpoint. Ouais. On peut le dire. dire Ibra, Aubert, prononce. Et après ça, c'est-à-dire que quand tu lis, moi, m'étais pété de rire. Ouais, c'est l'imagination. Je vous lis le début parce que c'est vrai que c'est long. J'ai un pote, un frérot, mon Chege Nino Brown, hein, que tu, oh, que tu cites également. L'ancien entraîneur de l'équipe Mozambique, grand défenseur, il fut un temps. Malheureusement, depuis que sa go, Fatoumata l'a quitté après l'avoir trompé avec les 23 joueurs de son équipe. Et après, s'est fait virer de l'équipe à cause de ses nombreuses défaites en championnat. Maintenant, depuis qu'il est au chômage, il a fait une petite dépression et a pris 102 kilos en 2 mois. C'est la suite. Allez suivre, c'est sur Gradure Officielle, hein, sur, sur Insta, vous tapez des barres de rire. Quoi. On se prend pas la tête, ouais, tu vois ce que je veux dire. Il a raison, c'est ça, on s'en met. Il a raison d'être comme ça. Ouais. Et, attends, non, non, non, juste un truc, parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puisque j'ai entendu, là, l'album sort et après, déjà, tu pars en retraite? Non, je vais faire une petite pause. Dis pas ça. Allons. Ah, écoute, moi, je connais le rap, je sais. Non, il dit ça, mais. Quand le rap te tient. Voilà. C'est très, très difficile. Il va voir, on va envoyer deux, trois bastos, il va dire je reviens dans le dos. Repos de 10 jours, quoi, maximum. Non, je vais prendre une petite pause, tu vois. J'ai donné beaucoup, j'ai envoyé des freestyles. Tu vois, je kiffe la musique, je kiffe ça à fond. Donc ça me fait plaisir d'envoyer des sons. J'ai envoyé une mixtape gratuite, j'envoie des sons, des freestyles, j'envoyais des freestyles chaque semaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, je kiffe ça. Mais là, là si l'album il sort, je vais me faire une petite pause, tu vois. Je vais me reposer un peu. 2-3 jours? Non, peut-être pas 2-3 jours, quelques mois. Ne dis pas ça, tu vas voir le rap. Allons-y, toi, tu dois connaître aussi ça parfois. Il y a des moments, même avec les psychiatres, quand vous êtes en tournée, des moments où vous êtes épuisé, vous avez envie de vous ressourcer avec la famille, les proches. Exactement. Donc, il a pas tort. Tu sais, après, tu reviens en plus, tu reviens toujours plus fort. Ouais. Tu as des choses à raconter. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as du mal quand même aussi à décrocher. Parce que t'as toujours pris à droite, à gauche. Énormément de mal. Trouver du temps. Ils ont pas rappé, même pendant des fois des 2-3 ans, et ils reviennent, ils sortent des albums. Je t'ai dit, quand le rap te tient, ouais, c'est dur. C'est pas facile. Bah, surtout en début de carrière. Ouais, aussi. C'est vrai, il est jeune. Tu vois, c'est-à-dire c'est monter vite. Ça fait, si je peux me reposer un peu, prendre un peu du recul, c'est bien aussi, tu vois. Bon, un petit repos, mais puis tu vas voir surtout ce que va donner l'homme au Bob, a priori, qui est attendu. C'est ça qu'on va voir. Tu reviendras peut-être avant. C'est, en même temps, c'est marrant, c'est une discussion que j'avais il y a pas longtemps avec Lino, qui est venu pour son Planète Rap, qui lui, pour le coup, a pris du temps entre le premier album solo et le deuxième, où lui me disait, ouais, voilà, il y a un moment, oui, j'ai dû débrancher tout, hop, m'occuper des miens, vivre un petit peu, m'occuper d'affaires, mais c'est vrai que ça a été lui, la pause était un petit peu longue. Ouais. Je pense qu'elle sera un peu moins longue pour Gradure. Ouais, on va voir. Allons, toi, tu penses déjà aussi à un autre solo? Non, pas tout de suite, là, c'est quoi? Solo. Déjà, il y a une mixtape qui va arriver très prochainement. On a déjà 3-4 titres, elle s'appelle Capot Décapi Volume 1. Logiquement, ça va voir le jour. Il y a Montréal qui aimerait bien que ça sorte en septembre, octobre. Moi, je lui dis juin, il me dit faut faire vivre l'album RDC, donc on verra. Bah, l'album, c'est bien parti. Numéro 1 des ventes pour l'album d'Alonzo. Merci beaucoup pour le soutien. Continuez sur iTunes, dans les bacs. Voilà. On continue à découvrir. On passera un autre titre dans un instant. J'ai aussi une nouveauté à balancer maintenant sur Skyrock. Lui arrivera un petit peu plus tard. Je crois que c'est avril, mai. Je vais vous trouver la date là, de sortie. C'est Ice MC. Je sais pas si vous connaissez évidemment Ice MC. Oui, je connais. Ice MC. Il a balancé un nouveau morceau. On exclut maintenant sur Skyrock. Le titre s'appelle Pyramide. On le découvre dans Planète Rap tout de suite. Miroir, t'es mon pire ennemi. Ice MC dans la pyramide. Une décennie, t'es sous la chrysalide. J'prends le trône d'un air tyrannique, d'un rire ironique. Miroir, t'es mon pire ennemi. Ice MC dans la pyramide. Je n'ai que de l'ignorance pour tes simagrées. C'est pas ta mère qui me rendra visite au parloir. J'suis dans le gamos avec Galoga, c'est malé. J'fais du dirty, j'manie le dirty comme un dirty Chirac. Tous mes petits savent danser le coupé détaillé. Retrousse tes manches à ton âge, t'es bon qu'à rabattre. Mon pote sous m'appelle d'un palais. Dans vos trois pétailles, s'en abattre. T'as rasé à ton métier, t'es là pour aller. Litron de frappe sur le piano. J'vends du rêve au Samarita sous le halo. Des réverbères avec une manie rwandaise mexicano. Mental rocher pico, si j'gère bien les cailloux. J'dirige triangle d'or comme un véritable noyau. Tout ça pour ces pico tourne autour du noyau. Si j'suis meilleur que toi, c'est que j'm'en suis donné les moyens. Hold up, t'es max 530, nul ne me voit arriver. Plus fiable que l'amitié. Entouré de grands ours, brille plus que Galilée. J'arrive sur scène, pff, Johnny Hallyday. Une décennie, c'est sous la chrysalide. J'prends le trône d'un air tyrannique. Miroir, t'es mon pire ennemi. HM c'est dans la pyramide. Une décennie scellée sous la chrysalide. J'prends le trône d'un air tyrannique, d'un rire ironique. Miroir, miroir, t'es mon pire ennemi. HM c'est dans la pyramide. Le triangle d'or et celui des Bermudes. Je te vise depuis l'angle mort en direct de la berline. Bilan d'Aren, inachevé, mon ambition pierre. Tu réguises que le triangle d'or, on les réveille en pleine nuit. Le petit prince de la capitale est de sortie chez Capitole. Allez, nique ta mère, toi t'es poussive à tous. On se demande pas si vous courez plus vite que nos bastos. On rachète ta fierté, ta bétail, ton gamos. C'est le mandané dans la bande d'état, dans la bande de cela, c'est la zone. Pour les profanés, pour les condamnés, que le proc est jeté dans le zone. Toujours affamé, c'est la vie d'Aloca, Dolce Vita m'illusionne. Qui peut rafaler, c'est la calache humaine à la tête du réseau. Démarque sur le corps, balafre sur le crâne, initial sur le crâne, je les narque sur le score. Petit prince de Panama, l'obscur état d'âme, leurs projets exécrables, c'est un au major. Si, si, si, je pète la forme, si, si, si, sur la force, 6 heures, si ça t'apporte, le succès sur ta tombe, t'es fixé sur ton sort. Jalouse, tu t'en sors, je dérange comme le cancer, seul depuis le sous-sol. Je leur fous le seum, je me suis fait tout seul depuis le sous-sol. J'accède au succès via la grande porte avec ma clé de sol. On m'a jeté dans le ghetto mino, je n'avais ni marque, ni père, ni boussole. Je leur fous le seum, je me suis fait tout seul depuis le sous-sol. Ils ont seum, je me suis fait solo depuis le sous-sol. Insouciant, je me suis fait solo depuis le sous-sol. Clé de sol, quelques kilogrammes de seum, je me suis fait solo. Ils ont seum, je me suis fait tout seul depuis le sous-sol. Et le mandané dans la bande d'état, dans la bande de cela, c'est la zone. Pour les flafanés, tous les condamnés, que le proc est jeté dans le zoo. Affamé, c'est la vie d'Aloca, Dolce Vita m'illusionne. Qui peut rafaler, c'est la calache humaine à la tête du réseau. C'est Skyrock avec un instant, donc le nouveau son d'Ice LMC qu'on salue. Merci à Ice LMC de nous avoir balancé ce nouveau son Pyramide et l'album. Donc il n'y a pas de date encore de prévu, c'est mars, avril la sortie. On vous tiendra évidemment au courant sur Skyrock. Le Planète Rap Alonso est de retour avec Gradure qu'elle a aussi ce soir avec nous dans l'émission. Ouais, si, si. C'est ça. Gradure qui Shiggy. Tu suis aussi toi la canne un petit peu, Alonso? Tu sais quoi, je peux même pas. T'as même pas le temps? Je peux même pas. Algérie qui a cartonné. J'ai vu les. Et pour toi aussi, ça se passe bien? Ouais, les deux Congo, frère. Deux Congo, ils sont là, quart de finale. Congo Brazza contre RDC, on attend ça fort, c'est samedi. Tu vois. Bon, bah, on suivra ça à la CAN. Voilà, et Ben Taleb aussi, Ben Taleb avec l'Algérie, grosse force, 5-9. Et Serge Aurier. 5-9. Ouais, Ben Taleb, c'est un mec du 5-9. Mmh. Et Serge Aurier aussi, Côte d'Ivoire, qualifié. Donc on attend les matchs Algérie-Côte d'Ivoire, hein, ça va être lourd. C'était un peu plus dur pour le Sénégal qu'on salue aussi. Ouais, force au max. Grosse dédicace. Pour cette CAN. Et donc, ouais, toi, Alonso, pas suivi rien là. Je t'avoue que tu sais quoi, je fais des allers-retours, Paris-Marseille, je clique. Tu suis un peu l'OM quand même, non? T'as le temps? Oui, bien sûr, je les suis, bien sûr. Quand même, c'est le minimum. Mais je t'avoue que je suis beaucoup sur ma promo, défendre mon disque. Tu vois, j'ai balancé aussi un clip. C'est quand, hier ou avant-hier, je sais même plus. Avant-hier, il s'appelle Bullshit. C'est pour ceux qui ont précommandé l'album sur iTunes. Et le clip est arrivé, ouais. Ils ont eu un morceau en plus. Et voilà, c'est un morceau que j'aime beaucoup. C'est un joker de luxe pour moi. Donc allez le mater, il est sur Bouscapé en exclu. Ouais, voilà. Bullshit. En plus, à l'heure, il est lourd. Merci. Un petit tour sur Bouscapé, vous le trouverez, ce titre inédit. Si vous dites allô, nous ne sommes pas tout seuls. Il y a quelqu'un aussi par téléphone maintenant qui est sur ton album, Alonso. Oh, allô. Allô. Ah, cette voix. Je reconnais cette voix. Ça va, le frère ou quoi? C'est celle de Lacrim qui avait mis la bien Lacrim. Ça va encore, Fred? Eh ben, écoute, en pleine forme, il y a Alonso, il y a Gradure qui est là avec nous, Spike Mila. Alors, c'est gay. Ça va ou quoi? Ça va encore, frérot? En ou quoi, frérot? Ça va, tranquille. Alors, la crème. Félicitations, ma gueule, pour l'album. Allons. Merci beaucoup, mon frère. Oh là, félicitations et tout. Je suis allé trop, j'entends que parler de ça, je te dis la vérité. Donc, c'est bien, je suis content pour toi, je suis désolé de ne pas pouvoir être là, franchement. T'es où? T'es à l'étranger, c'est ça, la crème, là, en ce moment? Ouais, je suis à l'étranger, ouais. T'es à l'étranger, donc on t'est pas grave, poteau. Bah, t'es là quand même avec nous, regarde, un petit coup de fil. Voilà, tu es là et ça fait plaisir, en tout cas. Ouais, mais toutes les forces à toi, mon frère. Oh là, t'as mérité. Tu travailles beaucoup, fort, poteau. Machallah, merci. Le morceau est tué, t'as vu? Ouais, que ce soit le tien ou même aussi lui de Gradure, les gens, ils aiment. Ouais, j'ai écouté. Ouais, je le vois dans le top single et même les réactions sur les réseaux sociaux. Ouais, il est lourd, je l'écoute. Mais là, on va essayer de clipper les deux. J'ai envie de dire, en tout cas, c'est vrai que depuis la sortie de Lacrim, donc qui était quand t'as reçu dans le Planète Rap, c'était au tout début septembre, hein, Lacrim, depuis qu'elle a sorti son album, c'est vrai qu'il y a plein de bonnes choses, en tout cas, dans le rap français, il y a une espèce de renouveau, toi, t'arrives aussi. Il y a de la solidarité. Ouais, il y a de la solidarité déjà. Moi, je trouve que c'est super important et c'est super super bien, tu vois, on est du même environnement musical. Ouais. Voilà, on s'apprécie mutuellement et notre public, ils aiment ça. C'est bien, notre public, ils aiment ça surtout, c'est bien, tu vois, nous on sait qu'on s'apprécie. Mmh. Et regarde, les choses y payent, hein. Regarde, que ce soit pour moi, que ce soit pour Alonso, soit pour Gradure, ouais. Ça arrive et ça paye, tu vois, machallah, tu vois. C'est bien, je suis content, moi je suis très content. Toi en plus, Akrim, t'es en train de pareil bosser sur un nouveau projet qui arrivera là avant l'été, je crois. Mixtape qui arrivera. C'est fort même. Là, tu as des gros bosseurs, que ce soit Akrim, Gradure ou moi. Tu sais, ça s'arrête pas. Tu le vois, il a enchaîné pas mal de mixtapes aussi. Gradure, pareil, les freestyles. Moi, l'année dernière, voilà, on s'est plus arrêté. On aime la musique, c'est ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Gradure qu'il pense s'arrêter après son album, tu vas voir. Non. On va en reparler. On va en reparler. Une petite pause, c'est ça, la crime. Voilà. Une petite pause. Voilà. En tout cas, c'est... Tout le monde fait une petite pause. Mais après, quand t'as un public qui attend, quand tu vois qu'il y a de la demande et qu'il y a de l'attente, frère, tu peux pas lui. C'est ça qui donne l'amour du truc, tu vois. Exactement. Voilà, c'est vrai. C'est ça. Voilà. Exactement. En tout cas, Kassim, je t'embrasse très, très fort, mon frère. Merci beaucoup. Et je suis archi content pour toi, mon frère. Et que ça dure et qu'il y ait encore, tu vois, 10 000 fois plus. C'est bien, il y a un public qui a une attente, mon frère. Ils sont là, ils sont contents, ils sont satisfaits. Frère, t'as fait un gros album, mon frère. Félicitations. Merci beaucoup. Eh ben, merci d'avoir été avec nous, en tout cas, ce soir, la crime. Ouais, je t'embrasse. On se voit très vite. Et après, Chez Gay en léger. je t'appelle ce soir. Appelle-moi tout à l'heure. Vas-y, frère. Ciao. Bisous, frère. Ciao, à bientôt. Il est aussi sur ton album. Ouais, on a fait un sale son aussi. Je t'ai dit, il y a que des bosseurs. Ici. Très bien, ça s'arrête plus. La crime, pareil. Super mec, super album, l'album de la crime aussi. Il était lourd, très énorme, très bien réalisé, très bien ficelé. Il est très bien. Ouais, je l'ai acheté. Demain, je vais acheter celui d'Alonso direct aussi. Est-ce que d'ailleurs, juste après la pub, on ne mettrait pas ce morceau Merci? Eh, il est très demandé. Non? Si tu veux. Spike, on n'a pas entendu Spike depuis un moment, c'est vrai, c'est Spike. Non, je suis là, je laisse un peu la parole à mon chégué qui est là. Spike, tu dis quoi, toi? Qu'est-ce qu'on met? On va mettre Merci. Ah voilà, ok. Voilà. C'est la parole de Puff Daddy, donc. Je peux plus rien dire. Depuis Didi. Je peux plus rien dire. Allez, bougez pas, dans un instant on revient. On vous attend au freestyle de Planet Rap. Il y a aussi des chichas électroniques à choper pour chaque freestyler. 41759, inscrivez-vous. On revient juste après ça. Ladies and gentlemen. Ce soir, Skyrock reçoit Alonso Papé. Pour une heure d'exclus et de total direct. C'est maintenant Skyrock. Le morceau dont on parlait, Merci, avec Alonso et la crime sur Skyrock. Wesh, Suleiman Beat. Chez nous, les guéris laissent les cheveux longs comme en série. On s'en bat les couilles, on fait des sous, augmente la TVA. Tu t'approches du trou, je me rapproche de la Bugatti. T'as la corde au cou pendant que je fournis que toute la nuit. J'ai du rap, j'ai de la drogue, je sais plus quoi dealer. Je n'attendrai pas que la nuit tombe pour venir t'allumer. 1 million d'euros valent 1 million d'ennemis. Pas demander à Maître Gim si il dort bien la nuit. Ennemis, je les aime trop mes ennemis. Magnifiques sont mes ennemis. Je remercie mes ennemis. Ennemis, je remercie mes ennemis. Si t'as peur des miches, t'as aussi que tu n'as pas assez de bif. Je ne compte pas quand il s'agit des potos, c'est la mif. Tu me portes l'œil pendant que je porte du Givenchy. Mets-toi la corde au cou si tu peux pas supporter ma vie. Écoute, tu twerk, écoute, tu pries, tu sais plus quoi tweeter. Dis de la concurrence que ce matin je me suis mal réveillé. 2 millions de disques valent 2 millions d'ennemis. Va demander à Stromae si il dort bien la nuit. Ennemis, je les aime trop mes ennemis. Magnifiques sont mes ennemis. Je remercie mes ennemis. Ennemis, je remercie mes ennemis. cher. Kalash, pas peur de l'enfer. Plaquette 13, paquet 13. Vivre ici, un paquet de stress. Marcher tranquille, ouais, ça n'existe plus. Ton meilleur ami n'était qu'un fils de pute. Demande à Malo, comment récalo. Ta meuf donne le go, t'es sur un pédalo. Même un mécano peut finir endetté. T'as pris en hiver et tu seras l'été. T'as bien mangé, tu seras chevé. Petit frère peut te faire en GP. T'as les armes, on a les mêmes en mieux. Tu fais des sous mais tu fais plein d'envieux. On aime le soleil, on ne craint pas la pluie. Si la bec à Simon ne tape pas la nuit. Ennemi, je les aime trop mes ennemis. Magnifiques sont mes ennemis. Je remercie mes ennemis. Ennemi, ennemi, ennemi, ennemi, ennemi, ennemi, ennemi, ennemi. Ennemi, ennemi, ennemi. Je remercie ennemi, mes ennemis. Ennemi, ennemi, ennemi. Le morceau s'appelle Merci, vous le retrouvez sur l'album d'Alonso, Règlement de compte, avec la crime qu'on avait en ligne là il y a quelques minutes. Il était là avec nous aussi ce soir. C'est dans ça. Le studio. Il y a Gradure qui est là. Il y a Gradure, il y a léger. Énormément de monde. Ça commence à devenir. Tout Marseille, ouais, il y a tout Marseille. Il y a des gens de Paris aussi. Il y a du Chegué aussi, hein, du Chegué Squad. C'est le bordel. Ouais, c'est le bordel. Et un autre gars qui vient d'arriver, qui est présent sur l'album. Aïe. Alors on va le présenter. Ouais, on va le présenter. Bienvenue, Hussein, ça va King. Ah, ça va, frère. Par contre, ton casque, il n'y a qu'un côté qui marche. Hein. Ah, merde. T'as vu? Mais vas-y, il n'y a pas de souci. Ça, c'est ce que je cherche. Déjà, présente-nous, Hussein, alors, vas-y. Hey, il va se présenter seul. Okay, c'est quoi? C'est un grand garçon. Eh bah, vas-y, avec une oreille, tu peux le faire quand même. Ouais, normal. Bon. T'inquiète. Bah, moi, je suis Hussein, artiste du 94, Villiers-sur-Marne, du quartier Lesbille. Les Hautes-Nous? Ouais, les Hautes-Nous, voilà, exactement. Ça fait 10 piges que je paiera, tu vois. Puis voilà, cette année, enfin on va dire en 2014, j'ai commencé des volets qui s'appellent HDC. C'est des séries de clips. Ça, c'est, en gros, c'est heure du crime. Là, je vais sortir la cinquième, normalement, vers la vingtaine de février, Inch'Allah. Puis voilà quoi, ben, pour l'instant, on surfe un peu sur l'album du Papé. Règlement de compte, voilà. Gros morceau, voilà, bronzé à vie. Bronzé à vie, voilà. Un morceau qu'on va peut-être découvrir dans quelques minutes, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est ça? Ah, eh ben écoute, bienvenue, c'est donc 2015, ouais. C'est ça, tu nous as dit vers 20 février. Ouais, voilà, il y a le HDC5 qui sort. Le morceau, il s'appelle Rosa Parks. Puis bon, voilà, de toute façon, sur les réseaux sociaux, voilà, vous tapez au sale. Voilà. On peut passer par le billet de Spike, tout ça. Vous retrouverez mes réseaux sociaux et puis on va réussir à te suivre. Ouais, ok, les frères. Dans un instant, le morceau est là. Je vous présente quelqu'un de Chambéry. C'est 16 de Chambéry. Salut 16. Salut. Ça va bien? Bonsoir à tous. Salut Alonso. Salut Gradure. Bonsoir. Ici. Et Hussein qui est là, qui nous a rejoint. Ah, salut Hussein. 16, t'as récupéré l'album Règlement de compte? Ah, ouais, ça y est, on est allé le chercher malgré la neige. Ah, malgré la neige à Chambéry, tu. Bah écoute. Ah, bien, merci frérot. Voilà. Merci beaucoup à tous les frangins de Chambéry. Bah, il connaît Alonso Pussy 33. Exactement, bien sûr. Bien sûr, c'est la famille. Bien sûr, je connais. Et bon, bah t'écouter rapper, c'est l'heure du freestyle par téléphone, 16, c'est parti. Ah, bah pas de soucis. Ok, 16. Pussy 33. 1. Ok. Là comme pack, bactéria, je ressors de la salle de l'esprit, j'ai plus le temps de reculer, je suis plus Excalibur que Estream. J'escream, Neslim, ni maestrie d'une autre galaxie où tous les hommes enfin naissent libres. Dans l'attente, comme un script, j'écris, j'écris, j'écris, car ce monde m'inspire un vrai script en temps de crise. Je m'exprime, mais t'exprimes, je me prétends pas le king sur string, corrompu par les strings et le fric, les victimes. Et créer nos frères aussi, car le diable dans le marketing, sa parole prend tout blister, il pue ma rouchi, en parcourant leur Twitter, ambassadeur du mal, ils croient juste en devenir les leaders. Nos paroles sont serres, nos flots sont passés, leurs casiers, leurs pertes et tout le haram qu'ils ont brassé. L'éphémère, le luxe et la route qu'ils ont tracé. Jouer les téméraires, façon, on va tous classer. Petit, il pleura, c'est plus que c'était avant. La mode est aux lyrics qui exciteront le plus Satan. Mais les rappeurs n'ont pas conscience ou sans pas de l'influence qu'ils ont sur la jeunesse, donc faut que tu saches à quoi t'attendre. Les ricatons, tombe pas dans le jeu du mal, man. Tu risquerais d'y perdre ton âme. Man, je suis pas là pour faire monnaie. Mais faut que tu saches que chaque seconde nous sont comptées. On traque la mic, ça a été laissé. Nos valeurs, on récolte qu'on sème. Tu penses mon fusil mitrailleur. J'ai peur pour pour nos mômes et de l'héritage qu'on va laisser. La chance approche et l'humain est une bête blessée entre optimisme et mélancolie. Un frère me fait le rappel pendant qu'un type passe mon son à fond dans son bolide. Tiraillé à gérer tous ses sentiments, au contraire, et gère dans son sanctuaire entre la raison et la folie. Ok, Moshi 33. 16 à l'instant en freestyle dans Planète Rap Terrible. Merci à toi, Serge. Merci à vous. On peut te suivre où sur les réseaux sociaux? Vas-y, balance. Voilà, alors je vais balancer mon Facebook, c'est 16 officiel, S'EZ officiel. Et du coup, je voudrais passer une grosse dédicace à tous mes amis, à ma famille, à tous ceux qui soutiennent et à tout le collectif Moshi 33. Et grosse dédicace à Mo en particulier. Voilà. Eh ben merci à toi, Cez. Merci à vous. Dans Planète Rap ce soir, tu repars avec qui? On a oublié, mais la chicha électronique, bien sûr, oui. Pour toi, Cez. Pour te mettre bien. C'est ça, chicha électronique. C'est gentil, merci beaucoup. Offerte par la maison. Merci, la famille. On t'envoie ça du côté de Chambéry. Sur Skyrock, c'est Planète Rap avec Alonso. Est-ce qu'on met le morceau avec Hussein maintenant, alors, Alonso? On va mettre le morceau avec Hussein. On l'a pas balancé. J'attendais qu'il vienne, qu'il vienne à nous, qu'il soit là. Hot No King, 9-4, c'est la base. Yes. Bronzé à vie. Allez, c'est parti, c'est règlement de compte. Abyss One, Zaka 2054. À la guerre, comme au lit, tous les coups sont permis. À la guerre, comme au lit, tous les coups sont permis. À la guerre, comme au lit, tous les coups sont permis. Moi pas besoin du soleil, moi bronzé à vie. Comme on regarde devant. Moi bronzé à vie. Moi bronzé à vie. Moi pas besoin du soleil, moi bronzé à vie. Comme on regarde devant. Moi bronzé à vie. Moi bronzé à vie. T'as pas autant de rage que nous des personnes ici. Majeur en l'air, majeur en l'air. Le premier qui parle, on déterre sa grand-mère. Le rap pour l'asperge du liquide urinaire. Tu marches pas droit, c'est contre la mise, pas derrière. M-A-R-S-E-I-L-L. J'ai au billard, j'ai des boules, j'ai une tête. Paris en sport, c'est quoi la cause, c'est quoi la cote. Sur un match, je fais mes 1000. J'te baisse 45 minutes, j'fais mon cardio. J'envoie la vidéo à Closer ou Rap Mag. La 09 arrive du pays de Pablo. J'ai des putes à Rio, quand tu baisses au tap-tap. Tu faisais les solans, là tu demandes pardon. Mais ce je te rejette comme un plat au lardon. Capot des capuches, je suis le patron des patrons. Tu veux clasher papa, c'est quoi cette éducation? Kilo Alpha, Sierra Sierra, une Jamaïque sollicité. Disque dans les PD vont mourir, les grilles vont féliciter. L'impression d'écraser la concurrence avec facilité. J'suis avec deux, trois tireurs dans un bifort. Combini, le village, le plus hardcore. Pour mes détenus, j'mets tout le monde d'accord. À la guerre, comme au lit, tous les coups sont permis. À la guerre, comme au lit, tous les coups sont permis. À la guerre, comme au lit, tous les coups sont permis. Moi pas besoin du soleil, moi bronzé à vie. Comme on regarde devant. Moi bronzé à vie. Oh non. Moi bronzé à vie. Oh non. Moi pas besoin du soleil, moi bronzé à vie. Comme on regarde devant. Moi bronzé à vie. Oh non. Moi bronzé à vie. T'as pas autant de rage que nous des personnes. Moi n'angazi jarbi. Moi basané à vie. J'ai tellement fait avaler ta bitch qu'elle en a bala fait ma bite. J'étais déjà marteau pédiatrie. Demande au capo des capis. J'puis qu'un crin, shooter l'arbitre. J'ai envie de partout, j'ai ta team. Putain d'esclave, indésirable. Mon écrate qui m'interdira. Soit tu payes, soit c'est ta mère qui raque. Le revolver ne réfléchit à. Pardon pour le bruit et l'odeur. Message pour nos beaux font crier le moteur. Mes mandingos vont plier vos sœurs. Dans le trou de boulot pour un gynéco seul. Tu m'attendais pas. Quand je réponds présent, ça fait raf. Mon talent déboîte. Je te fais du Beethoven en claquant des doigts. Je perds les pédales, mon compte en banque est mal. J'ai des stupéfiants dans mes flights. J'ai tenté de me chasser, mais mon âme rêve. Vous dire qu'à son démax. À la guerre, comme on lit, tous les coups sont permis. Ah ouais. À la guerre, comme on lit, tous les coups sont permis. Moi pas besoin du soleil, moi bronzé à vie. Comme on rien devant. Moi bronzé à vie. Codon. Moi bronzé à vie. Codon. Moi pas besoin du soleil, moi bronzé à vie. Comme on rien devant. Moi bronzé à vie. Codon. Moi bronzé à vie. Codon. T'as pas autant de rage que nous des personnes ici. T'as pas autant de rage que nous des personnes ici. Des fois j'aimerais les apercevoir mais ils sont trop petits. Ton public croit que t'es chaud mais tu joues de la mandoline. Tu cours après moi t'es essoufflé, prends de la pantoline. T'as pas autant de rage que nous des personnes ici. Des fois j'aimerais les apercevoir mais ils sont trop petits. Ton public croit que t'es chaud mais tu joues de la mandoline. Tu cours après moi t'es essoufflé, prends de la pantoline. RDC, africaine, 26 janvier dans les bacs. Algérien nouveau, marocain nouveau. Algérien nouveau, Comorien nouveau. Congolais nouveau, Sénégalais nouveau. Tunisien nouveau, Malien nouveau. Africain nouveau, nouveau, africain nouveau. Dis-le. Chegué nouveau. Aïe. Que du neuf. Que du neuf. Coupe d'Afrique, hein, les frères. Hein, Congo contre Congo, les frères. Voilà, t'as vu ça ou pas? Le derby. Ah, le derby. Ah, le derby qui approche. On attend sa forme. Bronze à vie à l'instant, donc avec Houssen qui nous a rejoint, qui vient c'est du 9-4, on le disait à l'instant, sur Skyrock. Il est aussi sur ton album. Yes. Et puis l'album qui va partir aussi en tournée, là, dès le 13 février. Dès le 13 février, j'ai pas les dates. Si, elles sont là, mais je sais qu'on va dans toute la France. Elles sont là. Hop. On va dans toute la France. Le 13 février, du côté de Nantes. À Nantes. Ensuite, on va enchaîner par Pontoise, par Neuchâtel, Colmar, Nancy, Perpignan, Montpellier, Sabigny-le-Temple, Sénon, Lyon, à Paris le 23 avril, à Bourges aussi, on sera à Toulouse, Incourt, Lille, Rennes, Le Havre, et on finit en beauté le 6 juin au Dôme à de domicile. Marseille. Voilà. Domicile le 6 juin prochain. À domicile, voilà. Pour aller voir, Alonso, prenez vos places dès maintenant, ça y est, sont en vente, on les trouve un peu partout. Donc, Chegué, le 6 juin, tu fais rien. Hein. Le 6 juin. Réserve, Inch'Allah. De retour de retraite, bah, peut-être. Je sais pas, t'es en pause. En plus, voilà. il y aura deux sons à faire, là, en plus. Ouais, ah, voilà. C'est ça, exactement. Bah ouais, puisqu'on attend maintenant aussi le match retour, hein, sur l'album L'homme au Bob. On peut le dire, le nom du morceau? Ouais, c'est Je donne ça. Je donne ça. Il a hésité. Je le dis pas. Non, je me rappelais plus du. J'allais dire Brings. Je donne ça, qui sera sur L'homme au Bob à partir du 23 février. Et très très sale. Très très sale. À pas louper. Alonso avec nous ce soir, avec Spike Miller aussi. Spike, je me tourne vers toi. Tu veux savoir qu'on joue? Qu'est-ce qu'on va jouer maintenant? J'hésite entre deux morceaux en fait. Moi déjà, il y a en boucle. Je sais pas, toi, pour toi. Toi, tu es comment? Ça veut dire si on met en boucle, on met 4 fois. Il y a Carré VIP aussi, que les gens ils aiment beaucoup. Hein. Ah, on l'a dernière fois, on l'a mis 3 fois. Il y a Bombe aussi, RDC, on l'a joué qu'une fois, mais. T'hésitais entre quoi et quoi alors, Spike, toi? Moi, Carré VIP et en boucle. Tu dis quoi? Choisis. Carré VIP. C'est extrait de l'album Règlement de compte. C'est Alonso ça. Avec nous, l'album est dans les bacs depuis lundi. Album numéro 1 des ventes avec Alonso, c'est parti. RDC, allez choper l'album, c'est du lourd. Papa! On est 10, 20, 30, 100, 1000, que des hors la loi. Cartes volées, pillées, violées, on demande à boire. Que des arabes et des noirs. Que des arabes et des noirs. Laisse-nous danser, laisse-nous danser, laisse-nous danser. Je répète, laisse-nous danser. Les clubs rap français, les clubs rap français. Les clubs rap français, j'ai dit les clubs rap français. Survêtement Ligue des Champions Asics, tous dans le carré vip. Bijoux de famille, bracelets électroniques, tous dans le carré vip. Tu fais Strang, tu m'appelles Kassim. Pour rentrer dans le carré vip, on n'a pas mangé à la main, dans la même marmite. Sors du carré vip. Carré vip. Carré vip. On brasse comme ceux du carré vert dans le carré vip. Carré vip. Carré vip. On pèse comme ceux du carré vert dans le carré vip. Makelele, Bonobo, Ronaldinho, t'es capoté, j'fais un bébé, j'veux le fêter, comme Bébéto. Wesh le zin, j'suis de raisin, sans la machine, y'a tout le grappin. Carré rose dans le carré vip, semelle rouge et les pieds qui piquent. Un pied dans le trou, un pied dans le trafic. C'est que le mec boom, je veux que des classiques. Et pas le mec lourd, tu vas que des combiques. J'contrôle mes genoux, c'est mes automatiques. T'as des punchlines, j'ai des punches line. T'as ta queue dans ton quartier, dans ta campagne, pas des zigzags. J'suis posé au champagne, pas des zigzags. Demain ça y est en Espagne, on part à notre beat. Rien découpé, même pas notre shit. Coup de fil, coup de rein, frère, on est nique. Même notre amour est good illicite. Wesh le zin, tout sous le coussin. 100 000 euros, un billet de 20. J'rentre en moto, chez Pierre Cardin. Dans le gauche, au casin. Survêtement Ligue des Champions Asics, tous dans le carré vip. Bijoux de famille, bracelets électroniques, tous dans le carré vip. Tu fais Strang, tu m'appelles Kassim. Pour rentrer dans le carré vip, on n'a pas mangé à la main, dans la même marmite. Sors du carré vip. Carré vip. Carré vip. On brasse comme ceux du carré vert dans le carré vip. Carré vip. On baisse comme ceux du carré vert dans le carré vip. On bouge en équipe, on a du liquide, on a les bolides de mes bordels de merde. Depuis 2008, tu demandes un feat, suffis-moi la bite, j'ai dit non quand même. Je rentre dans ses cuisses, elle crie de panique. Mais ouais, c'est l'Afrique, tout est naturel. Si tu t'es Munich, y'a le P38, on se voit de suite, on règle le problème. Les codes prennent en photo, mix ça, on voit en coulant photo, mix ça, le salaire à Cristiano, mix ça, ça va lever ton photo, mix ça. On a les chicots qui dépassent des lèvres, motocross, bon, quand se passe à la caisse, on t'agresse, arraché comme une dame de sagesse. On vous baisse, on vous baisse, on vous baisse, capi des capots. Explosion capillaire, on met des Nikes. Le tour du monde en câble cellulaire. Plus de place dans le cœur du VIP. On a trop de belles VDR. Qu'on mette en or, pas d'argent d'or, c'est la nourrice, des lingots d'or. Et on a fait aucun effort, on est venu en tenue de sport. Survêtement ma ligue des champions asics, tous dans le carré VIP. Bijoux de famille, bracelet électronique, tous dans le carré VIP. Tu fais Sram, tu m'appelles Kassim, pour rentrer dans le carré VIP. On n'a pas mangé à la main, dans la même marmite. Sors du carré VIP, carré VIP, carré VIP. On brasse comme ceux du carré vert dans le carré VIP. Carré VIP, carré VIP. On baisse comme ceux du carré vert dans le carré VIP. Survêtement ma ligue des champions asics, tous dans le carré VIP. Bijoux de famille, bracelet électronique, tous dans le carré VIP. Tu fais Sram, tu m'appelles Kassim, pour rentrer dans le carré VIP. On n'a pas mangé à la main, dans la même marmite. Sors du carré VIP, carré VIP, carré VIP. On brasse comme ceux du carré vert dans le carré VIP. Carré VIP, carré VIP. On baisse comme ceux du carré vert dans le carré VIP. On brasse comme ceux du carré vert dans le carré VIP. On baisse comme ceux du carré vert dans le carré VIP. RDC. RDC dans les bacs. Ça, numéro 1 depuis lundi, Alonso avec nous. Dans les bacs, on est toujours là en violent. Le morceau à l'instant qui s'appelle Carré VIP ce soir, il y a Gradure, il y a Hussein qui nous a rejoint aussi. Il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de Marseille, carrément, de Paris, de partout, de mon quartier, le Plan d'Ao. J'ai pas fait de dédicace depuis lundi. Donc tu vas m'accorder. Pas mal de minutes. Alors, tu sais quoi, tu as le temps maintenant. Tu as le temps maintenant. Et puis l'autre bonne nouvelle que j'ai, enfin bonne nouvelle, ouais. Difool a coulé une bielle. Oh putain. On a quoi? Tu l'as annoncé rap jusqu'à 21h30. Non, c'est pas, exagère pas non plus, mais il est un peu bloqué en ce moment. C'est magnifique. Donc voilà, on a le temps de finir aussi avec un morceau. Tu veux faire les dédicaces? Ça a bien fonctionné. Je vais faire une dédicace déjà à la Courneuve. C'est très important pour moi parce que c'est des gens qui m'ont très très très bien accueilli pour le clip La Belle Vie. Mmh. Voilà, j'ai fait un freestyle quand j'étais à la Courneuve avec Grimka. Vous pouvez aller le voir sur YouTube. Il défonce. Comoros Team aussi, merci beaucoup. Ensuite, on va faire une dédicace à tout mon secteur, hein. Saint-Antoine, le Plan d'Ao, le bar à Canard, Chinois, Aïdjir, le bar Aïdjir, La Grillade. Grosse dédicace au groupe aussi qui prépare quelque chose de lourd à Marseille, MOH, Sale Équipe, Esteban, NIC, Miaus, Kofs aussi de Herbel qui prépare un gros remix, ça arrive. Dédicace aussi au fils à la mèche Caïs, voilà, à ma princesse Kenza, Kylian et Milan, les diables. Voilà, grosse dédicace aussi à Sai Sai. Ce soir il mixe au Garden. Donc voilà, DJ Sai Sai. A priori il a quelques supporters ici. Et voilà, la sale équipe aussi qui sont là. L'équipe de Fab Barbershop, mon coiffeur numéro 1. Personne qui teste avec Ahmed, Chris Chavenant. Il y a Chris Chavenant, Fred, qui te passe un grand bisou. Ah, bah une grosse dédicace à Chris. Ouais. Voilà, Le Gnis aussi, Tariq, Nassia. On va faire une dédicace au bâtiment D, les Beaumettes, c'est très important. Papou, Malik, Eddy, le Niçois, Bodant de la Busserine. Voilà, JP de Corner Street, c'est lui qui nous met les Jordan 5, 6, t'as vu de côté à chaque fois. 7, 8, 9. Voilà, Popeye qui est là, le meilleur ingénieur de France, Popeye. Il est là, Popeye. Live. Le 7, 8 aussi, le club, le Palme, qui m'ont bien accueilli. Il y a Zouzou qui est là, il y a Louis, il y a Mehdi, la Castellane, D.A., la Soli, Serrano, mon frangin, qui est là, qui prépare aussi quelque chose. Voilà, il y a Demo One que j'ai croisé. Demo qui est dans le coin, ouais. Bien sûr, merci beaucoup. Ma petite nièce Anta. Voilà, et il est quoi? Je vois qu'il est moins 12, donc attends, la prochaine liste arrive. Parce que moi, j'ai pas placé aussi. C'est pas que tu t'y mets aussi. Non, mais il faut remercier aussi à ceux qui ont participé, mes acolytes, vas-y, mes compositeurs. Voilà. Commencer par Zaka 2054 qui est là. Six prod dans l'album avec Abyss One. Vrai. Il y a aussi Teddy Hitmaker de Lille. Il y a Suleiman Beats qui est au Maroc. Je sais qu'il nous regarde. Un grand salam à lui. Et Bay Broly qui est un jeune génie de je crois il est né. Je crois il a même pas vu la victoire de la Coupe du Monde. Il a 16 ans, c'est lui qui a. Ah oui, t'es pas dans 98. Il est né en 98, je crois. Oui, là, tout juste. Voilà. Un grand génie. Il y a Biggie Joe, la team NE et Black Stars. Voilà. Et bah, très bien. Alors, avant de faire tourner la roulette et avant de saluer aussi Hussein et Gradure qui étaient là avec nous, on met un dernier titre, messieurs. On met un dernier titre. Eh, là, c'est à moi. T'as choisi tout à l'heure. Ouais, vas-y, à toi. Je suis proche. J'ai envie d'entendre dans son sac. Allez. Ah, c'est vrai qu'on l'a même pas mis en plus. Donc, en début de semaine, on l'a mis. Ouais, bon, il tourne déjà beaucoup ce morceau. Il y a le clip qui arrive aussi bientôt. Il y a le clip qui arrive. Très lourd. Très bien. Réalisé par Nicolas Noël. Et avec quelques invités a priori dans le clip, mais. Dédicace aussi au réalisateur de mes clips. Je peux rien dire, je vais pas foirer comme la dernière. Ne foire pas, s'il te plaît. Je voulais faire une dédicace aussi au réalisateur de mes clips, Nicolas Noël, pour La Belle Vie, pour Y a rien à faire. Il y a aussi Beat Bounce, le génie. Voilà, Café, tu vas parler et Bucci. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock. Dans son sac. CD Flow. Les bouts. Les bouts. Dédicace à Jaresma aussi que j'ai oublié. Tu voulais des lobes. Vrai. À profusion. Tu voulais les femmes d'Afrique et d'Occident. Mais la la la la la, c'est la confusion. La la la la la, t'as fini dans son sac. Et sans Chanel Boy, sans petit. Et sans Chanel Boy, sans bébé. Et sans Chanel Boy, sans petit. Sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. Sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. T'as fini dans son sac. Pour moi t'étais un chapitre. Et pour toi moi j'étais un livre. Je t'ai vu dans les bras de ce mec au RSA. Tu priais pour que je te délivre. On me soupçonne d'être un cisdro. Je ne regarde pas les prix mais les logos. Trop chaud. Je vois que tu fais la belle, que tu calcules pas. Mais à la fin tu veux mon bigot. Elle me dit je t'aime, je lui réponds je t'aime bien. Si l'amour est aveugle on va tout droit dans un ravin. À la tombée de la nuit je tiens plus en place. À la tombée de tes seins je vois que le temps passe. Tu voulais des lovés à profusion. Tu voulais les femmes d'Afrique et d'Occident. Mais la la la la la, c'est la confusion. La la la la la, t'as fini dans son sac. Et sans Chanel Boy, sans petit. Et sans Chanel Boy, sans bébé. Et sans Chanel Boy, sans petit. Sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. Sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. T'as fini dans son sac. C'est pas parce que je porte une montre que j'ai le temps. J'ai liké ta photo, tu as fait une capture d'écran. Faut que tu redescendes en vitesse, en maillot de pièce. J'ai l'impression de voir un éléphant. Fais ce que ça dit au plan d'Ao. Pareil que la gadi d'Alonso, c'est une vraie Bagdad. Waouh. Et toi, tu es piqué par une fake. Tu l'as jamais vu, tu lui fais des chèques. Tu vois que je réponds pas, pourquoi tu insistes? Forceuse qui traîne dans les loges des artistes. T'as une dent contre moi, oh que c'est triste. Tiens, prends le numéro de mon dentiste. Tu voulais les lover à profusion. Tu voulais les femmes d'Afrique et d'Occident. Mais la la la la la, c'est la confusion. La la la la la, t'as fini dans son sac. Sans Chanel Boy, sans petit. Et sans Chanel Boy, sans bébé. Et sans Chanel Boy, sans petit. Sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. Sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. T'as fini. Chanel Boy, son précieux. Son Chanel Boy, son bébé. Son Chanel Boy, son précieux. Son Chanel Boy, son bébé. A-L-O-N-Z-O, Muggy Warano. On est sous Jupiter, mami. Trop loin. Mike Miller, Miller. Son Chanel Boy, son précieux. À l'instant, le morceau avec Alonso, avec Maître Gims dans son sac. C'est extrait évidemment de l'album Règlement de compte qu'on découvre encore cette semaine, qui est sorti lundi, numéro 1 des ventes. Exactement, ça continue. Merci pour le soutien. C'est dans les bacs, c'est sur iTunes. Voilà, c'est un album qui a été fait avec le cœur. On a balancé beaucoup de choses en 2014. Je vous réserve encore énormément de choses, une tournée. Donc voilà. Ouais, merci pour cette soirée. Merci Gradure d'être passé aussi ce soir. Ça fait plaisir. Bon, on t'attend le 23 février. Voilà, le 23 février. Prochain son que tu balances, il arrive quand, Gradure? Je sais pas encore. Il arrive dans pas longtemps. Ah, il paraît déjà à minuit. Ouais, maintenant c'est vrai. Même temps, on sait pas. Ça se trouve demain, je vais faire un freestyle, je vais balancer. Non, le 2 février, il est en précommande. 2 février précommande. C'est voilà, ça. Le 2 février. Là, ça approche semaine prochaine. Voilà, c'est là, début de semaine prochaine. Ouais, début de semaine prochaine, voilà. Lundi. Ça arrive lourd et il y a du lourd. Il y a des gros feats et il y a des gros solos aussi. Il n'y a pas que du trap, il y a Il y a plusieurs sons, plusieurs types de sons. Et on pourra le découvrir dans un Planète Rap en tout cas. Ça va être lourd, ça va être lourd. Mi-février, merci d'être passé. Merci à Hussein qu'on attend aussi aux alentours du 20 février. Voilà. J'ai bien compris. HDC. Aïe, Hot Looking. Ah, Hot Looking. HNK. Voilà, juste une petite dédicace à mon quartier. Hot Looking. C'est là-bas que je suis né, donc voilà, c'est là-bas que j'ai démarré. Une grosse dédicace au 9-4, au 13, au nord, au sud, à tout le monde. Et puis tous les gens qui me soutiennent depuis le début. Je vois que le projet prend de l'ampleur, je voulais les remercier aussi, tu vois. C'est normal. Je vais pas donner de nom, mais voilà. Un grand merci à tout le monde. Et puis RDC, allez l'acheter. Depuis le 26, il est dans les bacs. Ouais. Foncez, c'est du lourd, c'est du lourd. C'est du sale, il y a tout ce qu'il faut. Eh ben merci, merci à vous tous en tout cas pour cette soirée. Juste avant de se dire vraiment au revoir et de retrouver Diffoul qui est là. C'est comment Diffoul il est là? J'ai pas fait des dédicaces. Bah dans un instant, juste avant, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la tournée de Black M dans toute la France. Avec Rine de Derval. Salut Rine. Oui, bonsoir. Ça va bien, en pleine forme? Ouais, super. Trop contente. Tu es prête à faire tourner la roulette? Ah bah plus que prête. Eh ben c'est parti, dès que tu veux. Dans ce Planète Rap d'Alonso avec Gradure ce soir avec Hussein et avec toi. Ok, allez, on y va. 1, 2, 3. C'est carrément chanté avec. Avec un petit bout de chou derrière, non, Rine? Oui, il y en a deux. Ah, il y en a deux, bah. Pas perdu de temps, Rine, hein? Deux d'un bloc. Et bah, c'est pour toi, tu sais quoi, un petit moment de détente. Le concert de Black M du côté de Nantes, il y a deux places. Qui t'attendent pour aller voir Black M en tournée, loupez pas. Ah bah c'est génial, merci Sky. Bisous, Rine, passe une bonne soirée. Merci. Allons, le mot de la fin ou les dédicaces de la fin? Je sais pas, j'hésite entre les dédicaces, on n'a plus le temps de balancer en boucle. Il dure 1 minute 30. En boucle. Hein, est-ce que Diffoul est là? Attends, on va demander. Est-ce que Diffoul est connecté ou pas? Il est là, Diffoul. Il est là, Diffoul. Oui, merci Samy. Diffoul. Je fais comme dans les émissions de télé, je me fais annoncer maintenant. Ben regarde, je vais prendre de ton temps 30 secondes pour dédicacer. Vas-y. Ma sœur Messia qui me soutient dans la vie, qui me soutient sur le net. Messia à Only Pro, Ramon, Dawala, Watiboss. Il est dans le coin, le président. Il est là, Watiboss. Mon cousin Adam, Soulou, Smogo, mon cousin William, Ahmed, le collègue. Gafab qui est là, Olivier à Salon aussi, tous les bâtiments, Nasser, le Mzé qui est là du 19e, Alpha, le Blanc, Soupa au CD. Oh, c'est Rapoli, d'Argentan, voilà, bâtiment C. Merci à tous. Il me reste encore un jour. Et bah demain, dédicace finale, demain pour la dernière. Merci à vous tous, merci Hussein, merci Gradure, merci l'équipe. Gradure, merci beaucoup. Toute l'équipe qui était là ce soir aussi. C'est la famille. Merci beaucoup. Et on se retrouve demain, Alonso, pour la dernière. On sera là demain aussi, à 20h pour tout ça. Merci Alonso, salut Gradure. Alors, cette bielle qui a coulé, ça va. Marie s'en est occupée, tout va bien. Les gris-gris ont fonctionné. Tout roule. Ça va. Oh là, c'est bien Cédric, dis donc. On va passer te voir d'ici demain soir. Bah oui, on a promis. Ouais. Hein. Ah bah ouais. Venez. Là. Pas de soucis. Attends. Alonso dans la radio libre aussi. Avec quoi? Avec 12 packs ou pas? Ah bah, ouais, c'est pour Marie bien, ça. Marie va être brillante. On a pris 12 packs. Ah, allez, ça va. Voilà, ça a changé depuis tout pack. Hein. On est passé à 12 maintenant. 12, ouais. Joli jeu de mots, tu es en forme. T'as vu un peu? Bah, on est dans Planète Rap. Moi, je m'adapte, tu sais. Ah là, tu es en très grande forme. Alonso, on te retrouvera d'ailleurs dans l'émission. On écoutera le son là avec Gims d'ici minuit, celui que vous avez passé tout à l'heure. Ok. Merci à vous. Et là, c'est parti. Ciao. Dans une minute, on est de retour avec toute l'équipe qui est là. Bah oui. Marie, Samy, Romano qui fait son arrivée avec son drone. Il arrive avec son drone tous les jours. Ouais, sous le bras. Son drone dans la main, quoi. Karim, Cédric, et beaucoup tout le monde est là. Vous aussi, profitez-en. 01 53 40 30 20. Vous nous appelez Alonso à ne pas louper demain dans Planète Rap. Fredo, pareil. Yes. Et là, c'est parti. On attaque tout de suite dans une minute. Hein. Une minute de pub, on est de retour. À tout de suite. C'est pas long. On arrive. Tous les matins, avec le morning de Diffoul sur Skyrock, il se passe plein de trucs. Des